Pendant ce temps, à Belmont, Portilla, la riche héritière, se lamente au moment où elle veut se marier. Son père, en effet, avant de mourir, a fait fabriquer 3 coffrets. L'un d'or, l'autre d'argent, le troisième de plomb. Et l'heureux élu que Portilla devra épouser est celui qui choisira le coffret idéal parmi ces 3 présentés aux différents prétendants. 2 illustres prétendants ont ainsi été déjà écartés, le prince du Maroc et le prince d'Aragon, quand arrive Bassanio, accompagné de son ami Graciano.